débrouiller dans la nuit. Des rivières de faux diamants, des perles de culture aussi, et des solitaires à cachant. J'ai vu danser des ondes pas autour du feu. J'ai vu des hymnes à l'amour, où il y avait seulement just the wind. Il fallait une autre secours, un grand serment sur toutes les filles. J'ai lu des messages tatoués sur l'amour. C'est lui, en trompant les apparences. C'est lui, en entrant dans la danse. Mais c'est lui. J'ai senti des soufflets, des parfums, de magie noire et de guerlain, des fonds de teint lumineux et des couleurs autour des yeux. J'ai senti des essences très très rares, très très rares. Mais c'est lui, oh, oh c'est lui. Des dentelles de la soie sauvage, des bouts de tissu transparent, et des sourires sur tous les visages. J'ai vu des victimes virtuelles, virtuelles, séduire en trompant les apparences.